Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Jean Drapeau, l'homme de la Révolution tranquille montréalaise. Et cette formidable acclamation que vous venez d'entendre, elle accompagnait le passage à travers la foule d'un homme plutôt petit, tout petit même, et qu'on soulevait littéralement à bout de bras, et qui n'avait pas l'air tellement rassuré parce qu'il dominait des centaines et des centaines d'énergumènes qui attendent ici depuis au-delà d'une heure et demie. C'était Jean Drapeau. René Lévesque, encore journaliste à l'époque que l'on vient d'entendre, décrire l'arrivée triomphale du maire Jean Drapeau le soir de sa toute première victoire électorale du 25 octobre 1954. Jean Drapeau sera élu 8 fois maire de Montréal. Au total, il passera 29 ans à la tête de sa ville. Bâtisseur, architecte de la modernité, on lui doit, entre autres projets, la construction du métro, l'exposition universelle de 1967, les Jeux olympiques de 1976. Mais c'est d'abord comme champion de la moralité qu'il se fera élire pour une première fois en 1954. Peuple de ma cité, je salue ta victoire. Car c'est ta victoire, ce n'est pas la mienne. Tu l'as voulu. Tu l'as eu! Je demande instamment au souverain maître de toutes choses de faire descendre en même temps que les responsabilités que vous avez confiées à vos nouveaux administrateurs, de faire descendre en leur esprit, en leur conscience, en leur cœur et en leur âme, le sens des responsabilités, le sens de la moralité publique dans toutes les affaires de la cité. Jean Drapeau, qui en appelle à Dieu pour qu'il fasse descendre le sens des responsabilités et le sens de la moralité publique chez les nouveaux élus montréalais le soir de sa première élection comme maire de Montréal en 1954. Pour faire le portrait de cet homme qui a profondément marqué l'histoire de Montréal, mon collègue, le journaliste Marc Laurendeau, qui a travaillé avec le réalisateur Bruno Bouliane à la production du documentaire « Monsieur le maire, Jean Drapeau et sa ville ». Marc Laurendeau, bonjour. Vous avez connu Jean Drapeau, Marc. Pourquoi avoir consacré un documentaire à cet homme-là? Qu'est-ce qui vous fascine chez lui? Parce qu'il a traversé toutes les époques de l'histoire du Québec. L'avant-révolution tranquille, ce qu'on appelle la Grande Noirceur, où il s'est confronté à Duplessis, parce que c'est un personnage à multiples facettes vers la fin de sa carrière, quand il devient un sorcier bâtisseur. Il veut faire de Montréal littéralement une principauté. Mais au début de sa carrière, quand on l'entend parler de façon très moralisatrice, c'était la mode à l'époque, Duplessis faisait la même chose. Mais je pense que Drapeau, lui, il y croyait. Ouais. C'est la différence. Et c'est ça qui est fascinant chez lui. C'est un homme qui provient des milieux de la droite. Il était proche du chanoine Groulx, plutôt conservateur, nationaliste, anticonscriptionniste dans les années 40. Et quand une dame du Ladies Morning Club lui enverra une lettre en anglais, il va la retourner durant « Envoyez-moi une lettre en français ». Nationaliste, ouais. Donc, Drapeau. D'abord, mais ouais. Homme de droite qui va être en phase avec la Révolution tranquille, la première partie de la Révolution tranquille, celle de Jean Lesage, mais la seconde, celle avec Lévesque, à partir de 60. Là, l'intérêt va se déplacer à Québec et il ne sera pas du tout en accord avec le nouveau nationalisme souverainiste, étatiste ou, si vous voulez, État-providence, là, appelons ça comme ça. Et ça, c'était pas lui, ça. Alors, parce qu'il aura, entre-temps, avec l'évolution de ce nationalisme qui devient carrément un nationalisme qui cherche un pays, là, il va décrocher. Dans ce nouveau spectre-là, il se positionne du côté des fédéralistes. Il se voyait comme Canadien-Français. Voilà. Ses réactions face à De Gaulle là, va le démontrer. Mais aussi, il va prendre ses distances. On entendait Lévesque, là. Ces deux hommes-là se rencontraient dans les années 60, allaient luncher ensemble, étaient des alliés. Oui. Quand la Révolution tranquille se déclenche, le sage est élu. Drapeau lui envoie une lettre de félicitations. Mmh. Alors, il y a une espèce de symbiose de Drapeau avec la Révolution tranquille à sa phase 1. Puis c'est plein de bon sens. Lui, il voulait moderniser Montréal. Son côté bâtisseur, la modernité du Québec. Il fallait rattraper les villes nord-américaines. Mais l'aspect Moralité, est-ce qu'on peut en parler? Ben, on en parle. Chose. Parce que c'est, au fond, c'est le drapeau première période, c'est ce champion de la moralité. Et c'est ça qui va le conduire en 54 à l'Hôtel de Ville de Montréal. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait, à cause de raisons sociologiques, là, Montréal, c'était la ville où on venait s'encanailler. Un fruit de la prohibition américaine et aussi du puritanisme anglo-saxon, anglo-canadien. Alors, c'était la ville Wild, oui. Sin City, alors, où on y venait s'encanailler. Et il y a eu une ligue du Sacré-Cœur qui a formé un comité de moralité avec des citoyens qui ont dit on va, faut nettoyer ça parce qu'il y a des complicités dans le conseil municipal, dans la police. Et là, le ballon a grossi. Et Jean Drapeau prépare la requête pour demander que se tienne l'enquête Caron sur le banc des procureurs. Là, il y avait Pacifique Plante, appelé Pax, ouais. Un procureur assez flamboyant. Et Jean Drapeau, un avocat très austère et très méticuleux. Et c'est lui qui rédige la requête pour obtenir l'enquête Caron. Écoutez, Pax Plante ouais. aurait fait 100 pages. Lui, en a fait 1000. Il était très minutieux dans ses interrogatoire. Mais il va surfer là-dessus, Marc. Oui. Et c'est cette volonté de nettoyer Montréal qu'il portera donc au pouvoir en 54. Oui, ben, d'abord, il était connu familièrement, là, on dirait comme Barabbas dans La Passion. C'était un nom qui revenait dans les journaux. Son nom était accolé à l'enquête sur le vice commercialisé. Oui. C'était ainsi que ça s'appelait. Ça s'invente pas. Et on choisit Jean Drapeau comme candidat, et rapidement, il prend son envol comme candidat, si vous voulez, de l'épuration de Montréal. Il tient ce discours. Celui que nous entendions, là, évoque tout à fait ça. Oui. C'est-à-dire le nettoyage. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ce qu'on appelait des barbottes, des endroits où on joue illégalement. Il y avait des blind pigs, ça, c'est des endroits où on boit la nuit. Et il y avait une connivence entre les tenancières de prostitution et l'Hôtel de Ville. Ça fait partie de la culture qu'il faut changer, que Drapeau s'engage à changer. Il va être là qu'un seul mandat, parce qu'il va perdre en 57, il reviendra en 60, mais en 57, il perd. Parlez-moi de l'importance de l'affaire d'Auzois, les habitations Jeanne-Mance, logement social au cœur de Montréal. Il y a un affrontement qui va probablement coûter l'élection de 57 à Drapeau, mais c'est plus que ça, cette affaire-là, Marc Laurendeau. C'est l'affaire d'Auzois, c'est pas la conception qu'a Jean Drapeau du développement à Montréal. Non, il y avait à l'époque, drôle de nom encore, le comité d'habitation salubre qui détermine qu'à Montréal, c'est épouvantable au centre-ville, comment les gens vivent. Misère, pauvreté, délabrement. Alors on décide de construire des habitations et puis Paul d'Auzois, qui était conseiller municipal, propose ce plan, puis Duplessis trouve ça sympathique. Et là, il y a une rencontre à l'Hôtel de Ville incroyable où Duplessis vient voir Drapeau et le prend par surprise. Il va à la salle du comité exécutif, il s'assoit Duplessis dans le fauteuil du maire, met son chapeau sur la table et dit « Allez le chercher ». Et là, ils vont chercher Jean Drapeau, à ce moment-là, dans son bureau, qui arrive en courant. Et là, la discussion dure 2 heures entre Duplessis et Drapeau. Et Duplessis veut que le plan d'Auzois soit mis en œuvre. Mm-hmm. Et Drapeau, il n'a pas du tout ce qu'il veut, lui. Il veut une cité des ondes. Il veut un développement prestigieux ouais. au centre-ville. Il dit « Tant que je serai maire, ça ne se fera pas. » Alors, Maurice Duplessis dit une phrase sibylline. Il dit « Maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Mm-hmm. » Ben, ça n'a pas été compliqué. Il a mis sa machine contre lui. Et ça va marcher. Il ne gagnera pas en 57. Il l'a fait battre. Il l'a fait battre. Oui. Et puis, encore une fois, pour Jean Drapeau, puis on peut le voir dans votre documentaire, le logement social, les quartiers ouvriers, c'est l'équivalent de Toddy. Il ne veut pas voir ça. Il ne veut pas voir un plan d'Auzois au centre de Montréal. Ce n'est pas ça qu'il a en tête pour sa ville. En termes de droit, lui, il pense que ça ne relève pas du municipal, mais que, au fond, c'est l'autorité provinciale qui devrait régler ces problèmes-là, et que les maisons, habitations à loyer modique, devraient se trouver à la périphérie, pas au centre-ville. Et il a des plans pour le centre-ville de Montréal. Il veut y faire quelque chose de prestigieux. Il y a la Place des Arts qui se prépare, il y a la Cité des Ondes. Et c'est tout ça là, qu'il a en tête. L'explosion s'en vient. Il dit, on ne va pas remplacer des taudis par des cabanes. Ça c'est ce qu'il dit. Donc, il sera défait, parce que opposition avec cet intouchable Duplessis à l'époque, la machine Duplessis va battre Drapeau à l'élection de 57. Il va revenir, Jean Drapeau, en 60. Beaucoup, Maurice Duplessis est mort, Jean Lesage est au pouvoir. Et là, c'est l'époque du Drapeau bâtisseur. Il va revenir avec une grande promesse à cette élection de 1960, la construction de métro. On écoute Jean Drapeau nous parler de son métro en 1961. Monsieur le maire, quel est le tracé du métro que vous projetez de construire à Montréal? Le réseau initial sera d'un peu plus de 21 000 et sera construit immédiatement et simultanément. Il ne s'agit pas de procéder par phase, mais d'en entreprendre la construction immédiate et simultanée. Ce réseau se compose d'une ligne est-ouest dans le sud de la ville qui desservira Sainte-Catherine, d'une autre ligne nord-sud qui desservira Saint-Denis et vers le sud se rendra jusqu'à la station Place d'Armes. Le métro, Marc Lerando, c'est assez emblématique de ce côté bâtisseur de drapeau. Il y aura autre chose, il y aura la place des Arts, il y aura la place Ville-Marie, mais il y a d'abord ce métro, pas n'importe quel métro, hein, c'est Drapeau, un des plus beaux métros du monde, un métro qui va coûter cher. Jean Drapeau n'était pas un homme de transport en commun, sauf qu'il a vu là-dedans un enjeu de prestige, le plus beau métro du monde et avec une technologie pneumatique empruntée des Français, ça le séduisait. Au départ, lui, ce qu'il voulait, c'était un monorail dans le Vieux-Montréal qui passait au-dessus du marché Bon Secours. Il aurait probablement fallu le détruire. C'est Lucien Saunier qui l'a persuadé que c'est le métro qui était la bonne affaire à creuser puis à déterminer. À partir de là, il a pris le bateau et il l'a défendu, le métro. Et ça a été fabuleux. Ils ont creusé, ils l'ont fait vite. Et c'est une aventure extraordinaire. Ils ont engagé des diplômés de Polytechnique. Ils sont rentrés dans les budgets, croyez-le ou non. Ils ont construit un métro sans que ça coûte trop cher. Et qui plus est, en plein milieu des travaux, ils ont décidé, on ajoute une ligne. Ça nous prend une ligne qui va de Berry à l'Île-Sainte-Hélène, à Longueuil aussi. C'est la fameuse ligne jaune. Et ils ont décidé, en cours de route, de la faire. Aujourd'hui, ça prendrait 10 ans d'études. Il faut dire que le contexte est favorable. Bien sûr, c'est l'homme des grands projets, de la modernisation de Montréal, mais il y a de l'argent à l'époque. Bien, on sait, la centenaire de la Confédération s'en vient. Les gens vont mettre de l'argent. Quand ils préparent ces projets, l'exposition universelle... Quand, par exemple, il saute dans le bateau, hein, il profite du fait d'un désistement de façon très opportuniste pour présenter le projet. Il va chercher l'appui de John Diefenbaker à l'époque. Et la Confédération, le centenaire s'en vient, là. Il sait qu'il va y avoir de l'argent. Et pour tous ces projets-là, parce que vous allez voir que vers 1966, il a plusieurs marrons au feu, c'est-à-dire le métro qui va bientôt être terminé, l'expo qui s'en vient, et il fait sa première demande pour les Jeux olympiques. Tout ça en 66. Alors, oui, il y a de l'argent. Oui. Il le savait et il y avait sa capacité de persuasion qui était phénoménale. Oui, grande capacité de persuasion. Puis un homme d'idées, il en a des idées jusqu'à plus soif. Là. Chaque jour, il a... 4 ou 5 idées. Oui. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas arrêter. On dit même qu'à une époque, il a pensé, c'est des gens de son entourage qui le disent, il a pensé faire déménager la Tour Eiffel à Montréal. C'est pas vrai. Oui. gros problème, les Français ont refusé, mais à cette époque, il y avait un certain flottement. Et puis, pour l'expo, hein, ils voulaient alors la faire déboulonner et reboulonner. Imaginez, les Français se sont dit, s'il n'y a pas, elle ne reviendra plus. Mais il n'a pas caressé cette idée longtemps. Mais une qui l'a caressé longtemps, c'est une tour sur l'île Sainte-Hélène, France-Québec. Et les Français, à la dernière minute, se sont retirés du projet, disant, ça va coûter trop cher. Mais dans le stade olympique, la tour est exactement comme celle qu'ambitionnait Drapeau, un peu oblique, là. Celle que Taillibert a fait dans le stade, elle a exactement la même forme que celle que Drapeau projetait sur l'île Sainte-Hélène. Tenace aussi, Jean Drapeau. Ah oui, il a un côté, évidemment, plus sombre, un côté impérial, un côté autoritaire. D'ailleurs, vous êtes à l'époque, Marc, vous êtes humoriste avec les cyniques. Puis il y a comme deux éléments, parce que jusque-là, ça va très bien pour Jean Drapeau. On ne peut pas l'attaquer. Mais il y a la crise d'octobre en 70, ce côté très autoritaire qu'il aura. L'affaire du vaisseau d'or aussi. C'est là que ça se déclenche. Parce que là... Ça fait basculer là, les choses. Oui, vous pouvez commencer à faire des blagues sur Jean Drapeau. À ce moment-là, parce que c'est le côté... Il y a de la pauvreté à Montréal. Et lui, ce à quoi il pense, c'est créer un vaisseau d'or, du nom du poème de Nelly Gant, d'ailleurs. C'est, imaginez, ça se passe au Windsor. Le vaisseau d'or, c'est une espèce de salle de concert où on mange. On sert 600 repas par soir. Il y a un chef d'orchestre. Drapeau lui-même accueille les gens et impose la loi du silence. Pour qu'on écoute la musique. Ah oui, très respectueux pour la musique. C'est un goût qui lui vient de sa mère. D'ailleurs, sa mère chantait dans les entractes du cinéma muet, si vous voulez, dans les années 30. Alors, il y a une espèce de fascination pour cette musique-là. C'est un art élitiste. Hein? C'est l'idée que des bourgeois viennent assister à un concert, manger, puis en écoutant de la musique et puis en mangeant de la nourriture de haute qualité. C'est un côté élitiste, goût de grandeur. Ça, c'est du bonbon pour les cyniques. On était à cette époque opérant sur scène. Alors, c'est certain que tout de suite, on s'est saisi de cette histoire-là. Et avant, on n'avait pas de prise. On essayait, puis on n'avait pas de prise sur le drapeau. Son capital politique était considérable. Mais là, ça se déclenche au vaisseau d'or, d'autant plus qu'une bombe éclate chez lui. Il n'est pas là, il n'est pas chez lui dans sa maison. Il était après faire sa caisse au vaisseau d'or. Alors là, tout le monde a été saisi et a mis en doute, pour une fois, pour la première fois, le bon jugement du maire. Ouais. L'affaire Corridor, c'est un peu plus tard. C'est en marge des Jeux olympiques de 1976, mais c'est un bel exemple de son côté très autoritaire. Oui, parce que c'était une exposition qui partait de Pinneuf jusqu'à Atwater, un long corridor d'art, en fait, sur la rue Sherbrooke, approuvé par le ministère des Affaires culturelles, Jean-Paul Lallier, qui avait donné une grosse subvention, quelques centaines de milliers de dollars, approuvé par le COJO. C'était dans le programme culturel des Olympiques. N'oublions pas ça. Lui, il n'aimait pas ça. C'était pas son genre d'art. Son genre d'art, c'était justement l'opéra. Alors, sans donner de signal, sans avertir personne, en pleine nuit, il envoie les fonctionnaires avec des tronçonneuses, des bulldozers, détruire l'exposition, puis tout envoyer à la fourrière. Un geste unilatéral. Et sa réponse, c'était qu'il trouvait ça non sécuritaire. Mais dans l'entourage, on dit qu'il trouvait ça laid, il trouvait que ça ne donnait pas une bonne image de Montréal. C'est ça, au fond, le fond de l'affaire. Et c'est un épisode qui nous montre que c'est aussi ça, donc, Jean Drapeau. L'aventure olympique, évidemment, l'aventure olympique de 1976, qui fait à la fois partie des grands succès de Jean Drapeau. Mais sur le plan financier, c'est un échec cuisant. On écoute Jean Drapeau. En 1973, en fait, il est déjà question d'un déficit olympique en 1973. Écoutez Jean Drapeau à ce moment-là. Quand je dis qu'il ne peut pas y avoir de déficit, les gens rient. Pourtant, nous avons dit cette programmation-là devra s'échelonner sur une durée qui permettra des revenus suffisants pour payer toutes les dépenses autorisées. Donc, les revenus ne s'arrêteront pas en 1976 et devront continuer pour couvrir toutes les dépenses autorisées. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne peut pas y avoir de déficit parce que le robinet va couler tant que le bassin ne sera pas plein. Alors, le problème, c'est que le robinet ne coulait pas assez fort là, parce qu'à cause des dépenses, on est parti de 120 millions. Et on s'est ramassé avec les frais indirects, il faut compter ça, 4 milliards. C'est-à-dire que c'est 30 ans après qu'on a cessé de payer. C'est en 2006 qu'on a arrêté de payer pour les Jeux olympiques. Et c'est absolument colossal. Ouais. Et c'est un projet de grandeur. Certains trouvent beau le stade olympique, mais il n'est pas fonctionnel. C'est trop loin pour le baseball. On ne voit pas les joueurs. Marc, comment il... Parce que c'est fascinant, ce dossier olympique pour Jean Drapeau. C'est vraiment un de ses faits d'armes. La tenue de jeux comme ceux-là à Montréal. En même temps, un fiasco. C'est ça. Il était apte à les concevoir, à les promouvoir, à trouver des phrases comme qu'on vient de l'entendre, là, à trouver des belles formules pour... Des pirouettes. Oui, mais parfois des formules plus justes et non mensongères, qui pouvaient séduire les gens, mais ça n'était pas l'homme pour les gérer. Et tous les matins, il se ramassait avec le casque sur le chantier, en habit sombre, et regardait les travaux. Ça, c'était pas sa job. Vraiment... il portait trop de chapeaux, je le dirais comme ça, portait trop de chapeaux dans ce phénomène des Olympiques de 1976. Et en fait, on l'oublie, mais Québec doit intervenir. Si Québec n'intervenait pas, c'est un désaveu, si Québec n'intervenait pas, Montréal n'aurait peut-être pas accueilli les Jeux olympiques. Ça allait très, très mal. Très, très mal. Et M. Bourassa, le premier ministre, a été un peu lambin à comprendre. À chaque fois qu'il y avait un conflit entre le ministre Goldblum, quand Drapeau, par exemple, coupe des armes au parc olympique, c'est grave, ça. Finalement, Bourassa allait prendre une marche dans les plaines à Québec avec Drapeau, puis finissait par lui donner raison. Avant la commission parlementaire, il dit à Goldblum, je vais donner raison au Drapeau, là-dessus. Mm-hmm. Mais ça a été comme ça. Il y avait une espèce de vénération pour Drapeau, jusqu'à ce que son entourage, Garneau, les ingénieurs... Il y a une réunion à Sorel qui est décisive, là, à Sorel chez les Simard, où les gens viennent par hélicoptère, puis ils disent, hey, ça sera pas prêt à temps. Et là, Bourassa vérifie, téléphone à Néding. Néding, est-ce que c'est vrai que ça va coûter 600 millions? Nedding est obligé d'avouer que oui, c'est le président du comité exécutif, eh bien là, non. Bourassa dit, je retire l'autorité sur les Jeux à la mairie de Montréal et au comité exécutif. Là. On va vous chapeauter. Et là, ça a été la création de la régie, présidée par Victor Goldblum. Et ça sera très, très dur pour Drapeau. Très, très dur, parce qu'il perdait le contrôle de toute l'affaire. Et parce qu'il retrouvait quelqu'un qui était aux antipodes. J'ai rencontré Drapeau, il n'en pouvait plus de Goldblum. Il trouvait que c'était un indécis. Ça lui faisait mal de prendre une décision, alors que Goldblum respectait plus les formes démocratiques et trouvait que Drapeau et Taillibert allaient trop loin. Ils voulaient faire de ce stade une cathédrale. Le terme est de Taillibert. Une cathédrale. Il faut s'arrêter à un moment donné. Je mets donc fin à ma carrière élective. Ma récompense, c'est le sentiment d'avoir contribué à assainir la vie publique, d'avoir... Je sollicite le dispense de l'île, paragraphe suivant. Jean Drapeau est tremblé par l'émotion au moment d'annoncer le 27 juin 1986 qu'il se retire de la vie politique. Marc Laurendeau, qu'est-ce que ça représente pour lui, ce moment-là, cette décision où il dit « je dois partir ». C'est épouvantable parce que ça a été déchirant. Il voulait rester encore, mais les signaux, l'opposition, le RCM, cette fois-là, était uni. L'opposition n'était pas divisée comme en 78, où il a obtenu un mandat fort comme je les aime, disait-il. Là, c'était plus... Il y avait des signaux avertisseurs qu'il fallait qu'il parte. Même sa femme lui avait dit « peut-être cette fois-ci, tu vas perdre ». Toute la décennie 1980-86 me dit Yvon Lamarre, il a eu des accidents cérébrovasculaires et il est tombé une fois dans le garage de l'hôtel de ville. Alors, sa santé n'était plus tout à fait ce qu'elle avait été. C'était un homme qui se levait à 5 heures du matin, très vigoureux. C'était plus possible, ça. Alors, c'est ça la dureté des choses. Il a été nommé à l'UNESCO. C'était une belle période de sa vie. C'est Mulroney, le premier ministre. À l'époque, il l'a nommé à l'UNESCO. Une belle période de sa vie parce qu'il aimait la France beaucoup. Et il n'était pas là pour mener un train de vie flamboyant. Il pilotait des dossiers, tout simplement. Et au bout de 5 ans, il a fait un mandat de 5 ans, il est revenu. C'est un homme qui aurait aimé voir l'an 2000. Oui. Il l'a raté. Il est mort en 99. Et il disait souvent à son entourage, « Ah, que j'ai hâte de voir l'an 2000. J'ai hâte. » Un homme de projet comme ça, hein, manquer ça pour lui, c'était quelque chose d'inouï, mais il ne savait pas qu'il était pour le manquer. Il était constamment actif et aimé. Marc Laurendeau, il faut s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Marc, d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.